con Nobby. Fait complot, relevé ou complot. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous écoutez l'émission Conlambi tous les dimanches de 16h à 17h pour la première partie concernant la Martinique et la Guadeloupe. Aujourd'hui, premier dimanche de l'année, nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux, comme le veut la tradition. Et donc, voilà, la santé avant tout, hein, comme on dit, et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. 2013, c'est l'année qui marque le centenaire d'Aimé Césaire. Et aujourd'hui, comme c'est le premier dimanche du mois, c'est l'émission Conlambi Musique Jeudi, consacrée à musique, à musique antillaise. Et donc nous allons continuer notre petite sélection qui a commencé par celle de Guy Marc Vadeleux pour son nouvel album Evolution X avec le morceau Complonègue. Là nous continuons avec Dolor Ravi avec son hommage à Aimé Césaire, tribute to Aimé Césaire. Conlambi. Thank you. Konambi. C'était Dolor Avi avec Tribute to Aimé Césaire sur l'album Foyal Blues. Il y a aussi la version digitale Caribbean Blues sur les plateformes de téléchargement légal. Et là, on enchaîne tout de suite avec l'album de Yann Negrit avec le morceau K-Metal. Donc, comme son nom l'indique, c'est un mélange de plusieurs influences et notamment guitare métal. On vous laisse apprécier ça tout de suite. We'll be right back. Kononambi. Konnabi. Morceau de Jacques Schwarzbarst, le saxophoniste, avec son nouveau projet en quartet, une formation vraiment plus jazz par rapport à ses projets précédents. Donc c'était l'album The Art of Dreaming. Et donc nous restons dans les instruments avant avec Franck Nicolas, le trompettiste, et son nouveau projet triosalisé, Jazzka Philosophy 5. Et il est accompagné de deux grosses pointures. J'ai nommé Michel Alibo à la basse et Sonny Troupé à la batterie et au tambourka. Et le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau de circonstance puisque nous mélangeons un petit peu les différentes influences, que ce soit Martinique ou Guadeloupe. Le morceau, c'est Carudina. Konnabi. Vous venez d'entendre résonner La Conque de Lamby de Trio Zalizé, c'était une sélection jazz 2012 réalisée par Pascal. Et on va récapituler un petit peu les artistes qu'on a entendus. Il y avait Dolor Ravi, Yann Negrit, Guimarc Vadeleux, Jacques Schwarzbart et Franck Nicolas et Trio Zalizé. Et donc voilà, c'était une petite sélection de jazz de disques sortis en 2012, musique jeudi, musique d'aujourd'hui. On va enchaîner avec la première playlist du mois, donc tous azimuts en termes de genres musicaux. On démarre tout de suite avec Danja Taiji et Naïsi pour le titre Débrouillard. Nous la rappelons sister, juste en nous pépa, charrette là nous rabouer. Débrouillard pour moi c'est comme papa prépare nous, même si nous savons ça traite des ça pêche au bord nous. En cime les conséquences guerriers qu'il y a dans son nous, c'est réalité nous nous a des criards dans les sons nous. Débrouillard pour moi c'est comme papa prépare nous, même si nous savons ça traite des ça pêche au bord nous. En cime les conséquences guerriers qu'il y a dans son nous, c'est réalité nous nous a des criards dans les sons nous. Il a ouvert nous activement, nous pas agir négativement. Gabla nous ka porté, avec qui nous pas ka suivre moun. En l'eau aïe nous et ka recherche nous activement. Mais nous habitiers négés, nous passer des arrivants. Débrouillard pour maïki, life là. Nous ka vivre lui, qu'en mode yo koding la. WhatsApp, négés free. Nous ka retirer dans life là. Même si bon nous aïe kick, sniper live et taïji. Ka fait son pour yo fly shin. Débrouillard pour porter comme papa prépare nous. Même si nous savons ça très bien, qu'en délai ça pêche au bord nous. En cime les conséquences que les qui y a dans son nous. C'est réalité nous ka décrit à dans les sons. Débrouillard pour pote, c'est comme papa prépare nous. Même si nous savons ça très bien, qu'un délai ça pêche au bord nous. Assimer les conséquences que rien qu'il y a dans son nous. C'est réalité, nous pas des criards dans les sols. Nous savons très bien qui ou est, mais tu pas qu'à rapporter assez. Que c'est les accotés qu'a fait si on doit se effacer. C'est le genre qu'a yas nous les brasser, nous venons en rester déjà cassés. C'est gagné pour faire de passer froid, c'est facile qu'à évaser ni c'est. Que ça carrément il peut. Ta flaque a fait bien, j'ai pas qu'à voyager. C'est pour ça qu'a yo qu'a lagué mes prix. Y'a travaillé à nous en dehors. Nous qu'a fait un spread, nous qu'a fait tout pour rester discret. Débrouillard pour porter comme papa prépare nous. Même si nous savons ça très bien qu'un délai ça pêche au bord nous. Assimer les conséquences que rien qu'il y a dans son nous. C'est réalité, nous qu'a décrit y'a dans les sons. Débrouillard pour pote, c'est comme papa prépare nous. Même si nous savons ça très bien qu'un délai ça pêche au bord nous. Assimer les conséquences guerriers qu'il y a dans son nous. C'est réalité, nous pas des criards dans les sons nous. Yeah. Nous savons qu'à nous qu'à faire, nous qu'à rester résistant. Je veux mettre batoi dans où, mais nous qu'à rester persistant. Gégé dans le sol, underground, mis la résistance. Musique magique qui peut changer plein existence. Chaque couple, quand je connais au fret, mon coup de pompe change en tête. Éviter les blocs, clater les traites. Dis la rue, nous c'est des poètes. Qu'à fumer ma cabre, mon ouette. Défoncer tout à coup de gorgette. Sinon, les bonnes nous pochettes. Yo, bon nous, quand nous qu'est déclenché. Si nous toujours qu'à rester assidu, qu'à farier pas ni lassitude. Nous ni l'habitude, nous pas qu'à changer attitude. Toujours qu'à rester actif, là qu'à méditer. Et qu'on se fait le maximum pour garder les. Puis fixer un œil positif. Mille astuces têtues, black bonne qui ont jeté dessus. Capote gamme la café fouette, fait nous vêtre bien vêtu. Park BTS Kid Life, coûte la weed life. Débrouillard pas pêcher, gérer crise la pousse. Débrouillard pour porter comme papa prépare nous. Même si nous savons ça très bien qu'un délai ça pêche au bord nous. Assimer les conséquences guerriers qu'il y a dans son nous. C'est réalité, nous pas des criards dans les sons nous. Débrouillard pour pote, c'est comme papa prépare nous. Même si nous savons ça très bien qu'un délai ça pêche au bord nous. Assimer les conséquences guerriers qu'il y a dans son nous. C'est réalité, nous pas des criards dans les sons nous. Ah ouais, mais c'est Alenja, Alenja, Zahai. A no respect for the youth, no respect to the débrouillard. C'est là que 4 travailleurs aident pour joindre les deux mots. Yeah, my team. Danja Taiji de Martinique, Naïsi de Guadeloupe. On enchaîne avec un groupe guadeloupéen et une composition intéressante, Only Nous, qui rend hommage à Jean-Michel Rotin. Et le groupe s'appelle Bocaz Lab. Wait a little. A little bit more. I'm coming. When the moon of a I'm here. What you gonna do? Show me what you got. Switch off the light. Too much. Just the two. Two of us. Yes, we moyen que nous pas. Ni moyen que nous pas voyager. La voix d'Anno, production d'Akuji, c'est Bocas Lab, un projet gratuit à télécharger sur leur page Bandcamp. Do Not Disturb, là c'était le volume 3. Écoutez, checkez le volume 1, le volume 2. On va enchaîner avec un jeune homme qui aurait pu être dans la playlist Jazz 2012 qu'on a écouté à l'instant, qui aurait dû même avec son album qui est sorti en 2012, Pakala. On va écouter le titre Badman de Franz Lorac, pianiste qui prend le micro aussi pour cette occasion. Mon palu une Badman, yo le vu une Badman, mon panigan ni c'est pas pour que Babylon. Mon palu une Badman, yo le vu une Badman, pas vu une pas l'écrasant en les places là, je spirit la main. Mon palu une Badman, yo le vu une Badman, mon panigan ni c'est pas pour que Babylon. Mon palu une Badman, yo le vu une Badman, pas vu une pas l'écrasant en les places là, je spirit. Si ou les Bible là, comme fait mal. Si ou lis Bible là, j'appelle fait mal. Si ou lis Bible là, ça me fait mal. Alors fais-moi le visier à ranger que n'a ma chope l'esprit des mots. Si ou lis Bible là, ça me fait mal. Si ou lis Bible là, j'appelle fait mal. Si ou lis Bible là, ça me fait mal. Alors fais-moi le visier à ranger que n'a ma chope l'esprit des mots. Yo qu'a dit ou l'air sans paix, yo baninas. Gardez ces vampes là, yo za pa yo za yo. Moi même ça m'enlève, c'est pour battre en lion. En vieux système go web chum yo bali go. Yo vin di nounou, c'est des Caribbean man. Nous pas te mande, nous te besoin gros bacon. Ça nous gavre nous toute la sortie du Zion. J'étais en plantation pour y puis à dans prison. Mon palu vin Batman, yo le vin Batman. Mon panigan ni c'est pas popul, Babylon. Mon palu vin Batman, yo le vin Batman. Pas vin pas les grages dans les places là, tu es spirit la main. Mon palu vin Batman, yo le vin Batman. Mon panigan ni c'est pas popul, Babylon. Mon palu vin Batman, yo le vin Batman. Pas vin pas les grages dans les places là, tu es spirit. Si ou les Bible là, comme fait mal. Si ou li Bible là, j'appelle fait mal. Si ou li Bible là, ça me fait mal. Alors fais-moi le visier à ranger que n'a ma chope l'esprit des mots. Si ou li Bible là, ça me fait mal. Si ou li Bible là, j'appelle fait mal. Si ou li Bible là, ça me fait mal. Alors fais-moi le visier à ranger que n'a ma chope l'esprit des mots. Yo te le dicte nous, tu m'en doutes pour lui. Mon cadeau c'est mon gars sorti de entrailles des démons. Raciste, mon dieu c'est pas ça nouillé. Si on comprend toute la terre, colonne, man beaucoup comprendre. Yo cadeau c'est nous, yo cadeau nous qu'a souffert. Parce que les montres et diaspora comme d'ailleurs capon. Nous pas les vins, Batman c'est pas ça nouillé. Parce que nous sa parole, righteousness contemplé pour qui gagne. Mon cadeau c'est Batman, yo cadeau c'est Batman. Franz Lorac, Badman. On va quitter la Martinique et s'envoler vers la Guadeloupe avec un titre marquant, je pense, en 2012 de l'artiste Kérosène. Le morceau, c'est Si vous voulez. Ou couler à l'or, un kéwa ou si ouvé. Toujours couler à l'or, va ou si ou yvé. Oublier tout coller à l'âme ou si ou opé. Toute vie en nous qui coule, qu'on rivière qui coule. Where the? But then my friend also can come on the mansion. Come then, no? I'm on my way. Entre nous ni des conflits, des coups d'yeux, des coups bas. Des conneries pour coup de fil trip comme ça. Subconscient ou cardio qu'un coupable. Moins conscient qu'un con qui par corps, c'est comme ça. Et encore enfin nous qui babier. À propos d'un gars qui va connaître nous. Yo qui veut dire moi que tout sans radio pas vrai. Et moi qui dis que le plus jeune est s'en aille. Comme d'hab tout collé, tout pote là ou qui claqué. Moi comme d'hab qu'on connaît ou peut faire rien pour calmer. Ou qu'on découillon en casse la yon qui gâte l'autre craqué. Concrètement, entre nous c'est comme ça, ça caille. Mais peu importe les tripes qui fait, en qui vend vie à moi pour un vrai smile. Love nous un peu gentil, respect. Yal, pas ou coulé à l'or, en qui wow si ou fait. Toujours coller à l'or, bah ou si ou y fait. Oublier tout coller à l'âme ou si ou pé. Toute vie en nous qui coule, qu'on rivière qui coule. En peu laissez ou aller, en peu laissez ou aller, en qui wow si ou fait. En peu laissez ou aller. Laissez-vous aller, un peu laissez-vous aller, un peu wow, si vous voulez. Parce que moi, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal. Parce que moi, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal. Même si y'en a l'autre, nous pas calculer, nous y'a l'envie klaxonner, ou toujours envie actionner. Ou même si t'allais nous t'éveiller calciner, nous allons en calmer, ou pas sans envie caliner. Ou à propos de d'autres gars, l'on peut pas rassurer, ou mais y'en prenons pas qu'on vous en rassurer. Ou passe en tête en moins, on fait acturi, et en cœur en moins, on actionne, ou couler à l'or, en cœur ou aussi ou vé. Toujours couler à l'or, va ou si ou vivé, oublier tout coller à l'âme, ou si ou opé. Toute vie en nous qui coule, qu'on vivait. En paix, laissez-vous aller, en paix, laissez-vous aller, en que vous aussi ouvrez, en paix, laissez-vous aller, en paix, laissez-vous aller, en que vous aussi ouvrez, parce que moi, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal, parce que moi, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal, on pas contre tout, gal, entre nous ni des conflits, des coups d'yeux, des coups bas. Des conneries pour coup de fil trip comme ça. Subconscient ou cardio qu'un coupable. Moins conscient qu'un con qui par corps, c'est comme ça. Vous êtes dans Conan Ambi, musique jeudi. Passe musique nous vivons, pas rien qui nostalgie. On va mettre un peu la lumière sur deux très bonnes sorties en provenance de Martinique dans des styles assez différents. Premièrement, ce sera l'album qui vient tout juste de sortir en ligne. N'hésitez pas à aller le télécharger, l'écouter sur toutes les plateformes. C'est l'album de Renegat et Neg Marco Polo, deux frères de sang, deux frères de son, pour le titre Rap moins qu'Abayo Tap avec en featuring Neg Lyrical. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Pani shop tout ke bouye trap pa a pa wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Pani shop tout ke bouye trap pa a pa wall. Sharp l'école on j'a fait pour rap. Kriol on te fait pour chaque jour qui bon j'ai fait. Des yon mic on foute fait. Typical stuff tout le. Alors qu'a voyé tout faux foie. Aïe fait travail papa. Yo, pasta, c'est pas ta yo. Rap mwen ka vran lo. Passe pa wall in iti lyon. Peke j'en fin victime yo. En ka tue yo. J'ik en le prop ridim yo. Aïdi yo la ni MC pare pou clash tout rim yo. Mi bon bien ki commence compren. Arrête fè rap de son. Sou ka fè bou. Fè bien du janvier j'ik a de som. Sou pale fini dans son. Passe mwen même pare pou bon. Tout sa ka pon pep mwen pou kou yo. Fè y valè combien de son. A sou tête li fè le million. Ha, tout fou MC jodi ke pou en liso. Flow, vibe, stilecta, c'est pas fiction. Non, yon se di la paresse ke pou fè en session. Rap mwen ka bayo. Tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Pani shop tout ke bouye trap pa a pa wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Rap mwen kabayo tap a grap pa si wall. Pani shop tout ke bouye trap pa a pa wall. Rap mwen kabayo tap map kabayo mo rap. Yo le pas moins handicap. Flap, j'apprends la chape. Rap money, ça pas grave. Même si moi pas gros chap. Sap, moi pas besoin Mac. Mac, moi c'est boom bap. Track money, sans vrac. Slack, c'est ça mon casam. Rap autodidacte. Pull up, ça pas clap. Passe ça dans le spectacle. Wap tombé dans les vapes. Acte sous les mains hack. Papa, moi porté en cap. Passe pas qu'à signer pack. Ek, chien, rien qui jappe. Maca, moi c'est bon Mac. Dis moi chinois en pas jap. Lyrics, moi cabayo crack. Oui, moi kafaya le pap. Faux frère, les fuck dat. Mais yo pas ni force frappe. Moi pas besoin pièce track. Moi pas point y'en a cap. Passe par la paplate. Yo bégué fait en chap. Si la vie aussi en trip. Yo ke pri à dans trap. Nous fini ba yo sablip. Ça c'est en l'autre étape. Rap, moi cabayo tapa grap, pas si wall. Rap, moi cabayo tapa grap, pas si wall. Rap, moi cabayo tapa grap, pas si wall. Pas ni chap, tout ke pri en trap, trap, à pas wall. Rap, moi cabayo tapa grap, pas si wall. Rap, moi cabayo tapa grap, pas si wall. Rap, moi cabayo tapa grap, pas si wall. Pas ni chap, tout ke pri en trap, trap, à pas wall. Du mec éclairé. LMC, tu soldes arrivé, rappé capéré. Yo saba yo mac la privé, si ma yo esquivé. Tout match, we ID yo, la ni MC qui paré. Pour clash, tout team yo qui laisse Marco Polo. On équipe pas qu'a fait la fête, d'une blessé tout rigolo. Tout n'est qui cap en mal fait. Blessé tout ça qu'avant que yo pour éventuellement ma shop. MP le early record. L'intégrité c'est nous vin bigger. Et puis en pile discipline, pas qu'à promote. Rap bling bling et puis en patch et feeling. Ma qu'a mettre ça au passé building. C'est dit, fait les mains à sous enseigne. Rap, moi qu'a bas autant, IBM Dikadi. So what to say, pas en Willy Pop. Soldat à Pacatomi. C'est en mec cérémonie, pas en rappel qui chémonie. En mec cérémonie, qui épise mon cap. Pas wall, ça m'était rap, la haut, ça qui wack. T'as pas en trap, la yo. Tout est bouillant, tu as trap, à pas wall. J'ai cité Renegat, j'ai cité Neg Marco Polo, Neg Lyrical, mais vous aurez aussi reconnu le belet Boom Bap dans la composition qu'on doit à Boogie Flaha. On va enchaîner avec un titre de Lauriane Zachary pour son tout dernier album En Bas Soleil. Et c'est un album que je vous invite vraiment à écouter. Ce sera une composition de Fred D qu'on a retenu et le titre Non. Don't musique jeudi, musique créole, caribéenne et plus encore. Et pour démarrer cette année 2013, on va encore écouter un très bon tube de l'année 2012 par un artiste dancehall martinico-guyanais. À suivre, le titre c'est Anouidat de Pompis. Hey yo, Joe, Pompis, there, Soundboy, Vama ou kaba ou 10-12, kou mye mito. Yen men ou du mwen se sa aidito. Troa ou toune, kat konte ou sito. Si se sa, ansi merete, tou sel pito. Pa bay lan mou, bay la jan pito. Pe monte kon etalon ou bien kon astiko. Ane djela ou yo ke tire rido. Mon da ou bis ni bon da ou san trito. Sto ka chèche n pijan, ano vida. Sito la ou mou la jan, ano vida. Big loto, big mezon, ano vida. Ante ve pou chak sezon, ano vida. Hey Miguel a pas dit mot, tout qui s'est mis. Hey Miguel, mon passant, y'a l'issa demi. Moi j'ai travaillé, mais on est plus qui est remis. On dit trop protège, y'a coco, j'ai fait waterie. A part l'argent, est-ce qu'on y d'autres hobbies? A part vin pauvre, est-ce qu'on y d'autres phobies? Ou pas qu'à pour racine, ou plutôt du genre mobile. Ou même menti bayo, mais nous vend nous pas crédit. C'est tout ça y'en petit. Donc à chercher une pigeon, à nos vidas. Si tout là, ou mon argent, à nos vidas. Big loto, big maison, à nos vidas. En tête pour chaque saison, à nos vidas. C'est ça, Aïdito. Toi, au tourné, qu'à tromper aussitôt. Si c'est ça, ainsi mérité, tout seul, pito. Pas bail en mou, bail l'argent, pito. Peu monter qu'on est talon, ou bien qu'on astico. Allez, tiens là, y'a que tire rideau. Bon, là, au bis, ni bon, là, au centrico. Ouais, c'est toi qui cherche une pigeon, à nos vidas. Si toi là, ou mon argent, à nos vidas. Big loto, big maison, à nos vidas. En TV pour chaque saison, à nos vidas. Non, ma, on capelle la raison, ima idia. Bonne sourise, j'y sa présent, ima idia. Vous l'avez peut-être entendu sous le nom de La Fripouille, notamment sur le premier album solo de Skanky où il était très présent. L'artiste s'appelle maintenant Zaki Jones et il arrive cette année avec un maxi 4 titres déjà disponibles sur les plateformes, n'hésitez pas à aller le chercher. Le titre c'est Envie Vive, électro-créole, et on écoute le remix avec Admiralty. On trop soif, on trop faim, on vle garder yadan. Bi mwen viv yo, bli revan mwen vinigran. Mwen ka subi, ka bouyi, ma grince le dan. Ka sezi a plein men, pa bizwen mette gan. Pa mwen yon zetwa ka priye. Mwen a bout soufre bizwe respire. Actif pas capable. Tous les jours, mes rendez-vous, mes jours, mes gars, mes blagues, mes copines, personne n'aime, mes vives, libres, confus, j'ai fiché. Tous les jours, mes comptes, même les blagues, les lâches, mes gars, des nouveaux, nouveaux bases. Bout de souffle, besoin de mettre compte. Bah oui, aux étoiles qu'a brillé. You're like God now. Moi, à bout de souffle, besoin de respirer. Musique jeudi, tous les premiers dimanches de chaque mois dans l'émission Conelambi de 16h à 17h. Vous venez d'entendre Zaki Jones. Sachez que sur son maxi, vous l'entendrez aussi sur un pur reggae, sur un dancehall. Et donc voilà les différentes couleurs à surveiller. Et on va terminer avec un artiste qui vient d'Haïti. C'est un rappeur créole d'Haïti. Au passage, big up au label RKM qui le produit. Et allez chercher, il s'appelle Baki, B-A-K-Y. Et le titre qu'on va écouter, c'est Passe comme c'est haïtien. Ladies and gents. I'm proud to introduce you, proud to introduce you to the youngest, the newest, the best, best, Baki, Baki, Baki, also known as the popular. Paske m blak epi kom cheve m kon tèt green. Neg yo bat pou yo vin a cheve m kon chef gang. Yo wèm, tan kou son pep kap tete bef plen. Se kek green nan yo ki akseptèn son pep wen. Yo fen kwen, de pousse a isye yon kondane. Depi m fèt m pa rapple ke m te pase yon bon ane. M pou pane, bon parol nan gran met la m pa profane. Malgré tout espoir peyi map toujou ven nan fo panye. Kesyon de pov rich boy, isi yo pa egalize. Mem papye l'état si yon wap tan del pa legalize. Nou pa yon trop niche, se richesse nou yap devalize. Nou mise sou bel promet jamais qui pas réalisé. Yo promet respect, mon support, love and peace. Mais fuck tout haïtien, je ne sais pas seulement pour vos bénéfices. Please, c'est pour raison pour humilier m'la rogue, please. Dès pour faire d'ici, yo pas besoin qu'on a pour rogue vis. Parce que m'se haïtien, ma mélo vite drôle. Oui m'porg, mais pas penser ça veut dire m'sort. Parce que, international, pense m'ke mine d'or. Pourtant, m'me fait m'conne, que m'conne pour m'vivre fort. Oui m'se haïtien, pas vraiment pour ça m'paye. Avant, on vers vous choubler, chercher comme ça m'pale. Ou sa fèm pot a chèche kon sa m'bare. Se ey pou ey, dan pou dan, kon sa m'kare. Pas kem se haïtien, lot nasyon gade m pou sa m'pare. Machap vali sou dom, yo te ketan kon sa m'pare. Se denye machin son, m'passe pou l'obey. Ki mele yo dosye m'plein son, m'passe kou kobey. De fwa m'mande mon dje, nan pey m pou l'bam yo ben laden. Lot nasyon gap imilien, yon tap montre yon plein black deng. Dem yo tap kon sa krele le nasyon jwen la kling. Mem tap plein geng geng, ben mou tap jwen ka plein. Se ple okipasyon, nek sa ou ap trase nan papye yo. Pou n'importe okazyon, y'a pour y'en passer ou en papier yo. Talk pas gain respect obligé cacher dans quartier yo. Y'a fait combinaison façon y'a cherché pour quartier. Les haïtiens plantés, mais c'est étranger qui jeune récolte yo. Est-ce que pour n'importe quoi n'obligez faire mes portes l'école yo. Là c'est maladie même ça qui prenne yo tout traite quoi yo. Pour mal pays passer Haïti tape pas tout traite quoi yo. Parce que c'est haïtien, ma mélo vite drôle. Oui m'porg, mais pas penser ça veut dire m'sort. Parce que international pense m'ye mine d'or. Pourtant on m'le fait m'conne que m'conne pour m'vivre fort. Oui m'c'est haïtien, pas vraiment pour ça m'paye. Avant on verra vous choubler chercher qu'on ça m'pare. Pour ça fait m'pote à chercher qu'on ça m'pare. C'est ey pour ey, dan pour dan, qu'on ça m'carre. Oui m'c'est haïtien, yon pep comme tout l'autre. Besoin qu'on est qu'il aime à m'saute dans trou gouotte. Pour m'éviter pour un coup de corde, pour un coup de bord, tout si besoin de garder l'autre dans trou porte. Parce que God a v'l'on est à fort, même si dit l'en métaphore. Faut chercher comprendre puisque jamais le pape dit l'en mégaphone. T'es mal et ça c'est l'alphore. Fais valer le fort et ta corps, fort et ta fort. Fierté la fort, réjouis puisque on s'est mettre. Puisque son père, tout fait son pape manger, cherche puisque n'y a pas. Tout lyrique n'a pas pagé, wap toujours blé pour faire mes becs. Non plein tête, nous pensons une patate pour prendre même ton décrète. Tout façon taper chercher pour pep avec sa vine plaquette. Tout tête calée, pour son bague doit pep parler. Nous vous guérez dit qu'on y a l'île est l'île pour pep parler. Pec fâché, prends yon, on va coller là. A pas ça que dit la vie n'est d'aime, pourtant c'est l'île comme choléra. Lorsqu'on pep qui est indépendant, moi dis c'est ou fait tablier. Oui, là j'aurai les pédioles, ou mettre fait crime les tablier. Gardez copé, il m'en rete dans vos choux. Moi j'ai mangé pep, ça me garde tout la frette dans vos joues. Parce que m'c'est haïtien, ma mélo vite drôle. Oui, m'porg, mais pas penser ça veut dire m'sort. Parce que international, pensez m'y mine d'or. Pourtant, on m'le fait m'conner, qu'il m'conne année pour m'vivre. Encore une sélection éclectique dans la première de musique jeudi pour cette année 2013. Et on va enchaîner sur la spéciale Haïti, toujours dans Conelambi. Sachez que tous les premiers dimanches de chaque mois, de 16h à 17h, vous entendrez à chaque fois une sélection de tout ce qui arrive à nos oreilles et qu'on estime pertinent, intéressant. Et pour représenter un peu toute la créativité en provenance de Martinique, Guadeloupe, aussi Guyane, Haïti. Et encore d'autres régions, on va toujours explorer, donc n'hésitez pas à revenir avec nous le premier dimanche de chaque mois, 16h-17h, Conelambi.